الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، chers et sœurs, nous continuons ensemble la lecture de ce livre immense et d'une grande importance dans lequel l'imam Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala nous a exposé des points importants concernant la science du tawhid et dans lequel il a réfuté nombre d'arguments et d'ambiguïtés des adeptes du polythéisme. Nous avons vu hier que l'homme doit donner de l'importance et veiller à ce qui lui permettra de se mettre à l'abri du polythéisme et de toute forme d'égarement et de rester ferme sur la voie de la vérité. Et on a mentionné que les deux causes les plus importantes à accomplir pour cela sont le fait de s'en remettre sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant de nous raffermir, mais aussi d'étudier la science profitable, la science religieuse, en apprenant la vérité afin de la mettre en pratique et en apprenant le faux afin de pouvoir le délaisser. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, attire notre attention sur une chose qui ne doit pas échapper aux croyants, qui est que cette voie, la voie du tawhid, qui est la voie des prophètes et des messagers alayhimus salat wa salam, est une voie sur laquelle tu vas trouver des ennemis. Il dit rahimahullah, wa'lam anna Allah subhanahu min hikmatihi lam yab'ath nabiyan bihadha at-tawhid illa ja'ala lahu a'da. Et sache qu'Allah subhanahu, il fait partie de sa sagesse qu'il n'a pas envoyé un prophète avec ce tawhid, un prophète appelant au tawhid, appelant à vouer un culte exclusif à Allah, sans lui assigner des ennemis. C'est-à-dire des ennemis qui ont pour objectif d'égarer les gens et de les détourner de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la voie droite. Et ceci fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui éprouve les gens de la vérité par les gens du faux. Et ce afin de distinguer le véridique du menteur. En effet, supposez qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie ses prophètes, alayhimus salat wa salam, qu'ils appellent à la religion d'Allah et qu'il n'ait pas d'opposant. Dans cette situation, on ne distinguerait pas entre le suiveur véridique et l'hypocrite. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses prophètes, alayhimus salat wa salam, qui appellent à la religion de vérité. Et il leur a assigné des ennemis, des prêcheurs, à l'égarement, afin que les gens soient éprouvés, et que l'on sache qui sont ceux qui suivent les prophètes, alayhimus salat wa salam, et qui sont ceux qui suivent les prêcheurs et les prédicateurs à l'égarement. Donc ceci est une tentation, une épreuve qui permet de distinguer entre les véridiques et les hypocrites. Et il ne faut pas penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala a assigné des ennemis à ses prophètes alayhimus salat wa salam ainsi qu'à leurs suiveurs à titre de mépris ou de rabaissement. Au contraire, ceci permet aux gens de la vérité de s'élever en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en luttant contre les gens du faux, en faisant face à leurs ennemis, aux ennemis de cette religion avec fermeté. Et ce car, mes frères et sœurs, il faut bien garder en tête que le paradis a un prix. Et le paradis, tu ne pourras l'atteindre que par la patience et la fermeté sur cette religion, en t'attachant aux ordres d'Allah, en délaissant les interdits d'Allah, même si tu dois pour cela endurer de nombreuses difficultés. Tu dois rester ferme et patienter. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous rappelle cela afin de nous encourager à la patience. Et afin de nous préparer à faire face à ses ennemis. Il va nous expliquer comment leur faire face. Donc tout d'abord, il nous mentionne la preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a assigné à chaque prophète un ennemi. Et il dit, كَمَا قَالَ تَعَالَى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ. Et c'est ainsi que nous avons assigné à chaque prophète un ennemi. Puis il nous dit, qui est cet ennemi? Shayatin al-insi wal-jinn. des diables parmi les hommes et les djinns. Shaytan, cela signifie celui qui se rebelle, celui qui désobéit. Donc toute personne qui se rebelle et qui refuse l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, alors celui-ci est un shaytan, qu'il soit parmi les djinns ou parmi les hommes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a assigné à chacun de ses prophètes un ennemi, des diables, parmi les hommes et les djinns. Ensuite, il nous dit subhanahu wa ta'ala, comment ils font pour écarter les gens de la vérité. Et il dit, يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا, qui s'inspirent trompeusement les uns les autres des paroles enjolivées. Voici leur manière d'éloigner les gens de la vérité et du suivi de la vérité. Ils s'inspirent trompeusement des paroles enjolivées. Ce qui est visé par les paroles enjolivées, c'est le faux qui est recouvert d'une part de vérité. Et ceci fait partie des tentations les plus grandes et les plus dangereuses. Car si le faux était dévoilé au grand jour et présenté tel quel, nul ne l'accepterait. Personne n'accepterait le polythéisme s'il était présenté sous son nom et sous sa réelle apparence. Personne n'accepterait l'innovation si elle était présentée sous son nom et sous sa réelle apparence. Mais si on les recouvre d'une part de vérité, alors beaucoup de gens vont accepter ce faux et se laisser leurrer en raison de ces paroles enjolivées. Donc vous voyez que le fait de présenter le faux par de belles paroles, de changer le nom des choses mauvaises en leur donnant de jolis noms, cela peut tromper beaucoup de gens. Le fait d'appeler le shirk, le polythéisme, l'amour des vertueux. Lorsqu'on le présente comme cela, sous le nom de l'amour des vertueux, cela paraît être une chose acceptable, une chose louable. Mais en réalité, si tu creuses et que tu cherches la réalité de cette chose qui est appelée amour des vertueux chez les adeptes du polythéisme, tu comprendras que c'est l'essence même du shirk. Et de la même manière, les gens qui ont changé les noms du riba, de l'intérêt usuraire, et lui ont donné des noms comme bénéfice, profit et autres, afin de le faire accepter par les gens, et d'éloigner les gens de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et de les faire tomber dans les péchés. Donc le croyant, il doit être attentif à cela. Il doit savoir que les shayatines, les diables parmi les djinns et les hommes, ils utilisent ce procédé pour appeler les gens au faux et à l'égarement. Ils recouvrent le faux d'une part de vérité afin de nous tromper. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite du verset, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا, et si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a laissé cela à titre de test, d'épreuve, afin de distinguer entre celui qui patiente sur la vérité et celui qui ne patiente pas. Donc toute personne qui suit la voie des prophètes alayhimu salatu wassalam, parmi les prédicateurs, les gens de science et les savants qui appellent au tawhid, de la même manière que les prophètes alayhimu salatu wassalam, ils vont rencontrer sur leur chemin des ennemis parmi les prédicateurs au faux et à l'égarement, et ce, à toute époque et en tout lieu. Ensuite, le shaykh, rahimahullah ta'ala, il nous dit, وَقَدْ يَكُونُ لِأَعْدَاءِ التَّوْحِيدِ عُلُومٌ كَثِيرٌ وَكُتُبٌ وَحُجَجٌ, et il se peut que les ennemis du tawhid aient de nombreuses sciences, des sciences abondantes. Il se peut que certains parmi eux aient par exemple un très grand bagage de connaissances dans la langue arabe, que cela soit un savant de la langue arabe. Il se peut que certains parmi eux soient de grands lecteurs du Coran et qu'ils maîtrisent parfaitement les lectures du Coran. Il se peut que certains parmi eux soient savants et beaucoup de science dans la jurisprudence, et ainsi de suite. Et ils ont également des livres auxquels ils se réfèrent, des livres qui soutiennent leurs égarements, et ils ont des arguments desquels ils se servent pour égarer les gens. Mais ces arguments, en réalité, si tu médites sur eux, que tu les analyses, tu te rends compte qu'ils ne sont qu'à l'exemple d'un mirage. C'est-à-dire qu'ils ne sont rien en réalité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, كسراب بقيعة, comme un mirage dans une plaine désertique. يحسبه الظمآن ماء, l'assoiffé pense que c'est de l'eau. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا, jusqu'à ce qu'il y arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien. Et tels sont les arguments des ennemis du tawhid parmi les prédicateurs au polythéisme et à l'égarement. Et parmi ces arguments, ceux que l'on a mentionnés précédemment, comme on l'a vu dans les paroles de l'auteur, et ceux qui arrivent parmi les ambiguïtés qu'il va mentionner et qu'il va réfuter. Ensuite, il mentionne une preuve que les gens du faux, de la science, des livres et des arguments. Et il dit « كما قال تعالى فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ » Puis lorsque leur sont venus leurs messagers avec les preuves explicites, c'est-à-dire avec les livres révélés de la part d'Allah et la science profitable, فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ Ils se sont réjouis de ce qu'ils avaient auprès d'eux comme science qui s'opposait à la religion des messagers. Ils se réjouissaient et agréaient d'avoir des connaissances qui s'opposaient à la religion des prophètes et des messagers alayhim salatu wassalam qui leur étaient envoyés. Et ceci est présent aujourd'hui. Combien sont ceux à se réjouir de la présence de nombreux livres de gens de l'égarement ou des cours des prédicateurs à l'égarement et à l'innovation. Ces gens-là sont nombreux aujourd'hui. Et il se peut qu'ils aient en apparence des arguments qui ne sont que montés de toutes pièces en réalité, mais qui peuvent tromper la personne qui n'a pas acquis la science. C'est pour cela qu'il nous convient d'apprendre la vérité, mais d'apprendre également les ambiguïtés et les arguments que peuvent avancer les gens du faux et de l'égarement, et ce afin de pouvoir les réfuter. Et c'est cela l'objectif du Cheikh rahimahullah à travers l'écriture de ce livre. Et ceci fait partie de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Méditez sur la parole qu'il a dit à Mu'adh radiyallahu anhu lorsqu'il l'a envoyé en tant que prédicateur vers les gens du Yémen. Tu te rends vers un peuple des gens du livre. Il l'a prévenu qu'il se dirigeait vers des gens du livre, des juifs et des chrétiens, afin qu'il se prépare à faire face aux ambiguïtés qu'il pourrait lui être avancé qu'il puisse les réfuter. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit ensuite « إِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ » C'est-à-dire, si tu sais cela, si tu sais que tu vas trouver des ennemis sur cette route et que ces ennemis vont avoir peut-être certaines sciences et certains arguments, qu'est-ce que tu dois faire face à cela ?« وَعَرَفْتَ أَنَّ الطَّرِيقِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَعْدَاءِ قَاعِدِينَ عَلَيْهِ » Si tu sais que la voie qui te mène à Allah, il est inévitable que tu trouves sur celle-ci des ennemis qui soient assis sur celle-ci, c'est-à-dire pour obstruer le chemin et pour égarer les gens et les détourner du droit chemin. Et que ces ennemis, comment ils sont ? Ahli farsaha, ils ont de l'éloquence. Wa ilm wa hujaj, ils ont de la science, des arguments. Ils avancent certaines ambiguïtés pour soutenir leurs égarements. فَالْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَعْلَمَ مِنْ دِينِ اللَّهِ مَا يَصِيرُ سِلَاحًا لَكَ Il est obligatoire pour toi que tu saches de la religion d'Allah ce qui sera pour toi une arme. Une arme par laquelle tu vas te défendre et tu vas défendre ta religion. Il ne convient pas aux musulmans de savoir que les gens du faux trompent les gens et qu'il reste les bras croisés sans ne rien faire, et sans chercher lui à apprendre sa religion pour pouvoir la défendre. Mais il est plutôt obligatoire pour nous de faire des efforts dans l'apprentissage de la science religieuse, l'apprentissage du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'apprentissage de la sunna, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et plus particulièrement ce qui nous permettra de secourir la vérité et de réfuter ce que les gens du faux avancent comme argument. C'est ça notre arme, c'est la science profitable, la science religieuse. C'est l'une de tes plus grandes armes pour faire face aux gens du faux et à leurs ambiguïtés. Et le Cheikh, rahimahullah ta'ala, nous dit qu'avec cette arme, qu'est-ce que tu vas faire ? تُقَاتِلُ بِهِ هَهُلَاهِ الشَّيَاطِينَ Tu vas combattre avec cette arme, c'est-à-dire avec cette science, ces diables, parmi les djinns et les hommes, qui s'opposent à la voix des prophètes, alayhimu salatu wassalam. الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل. Ceux qui ont pour imam et qui ont été précédés par celui qui a dit à ton Seigneur Azza wa Jal, la aq'udanna lahum sirataka al-mustaqim. Je m'assoirai certes pour eux, c'est-à-dire pour les enfants d'Adam, sur ton droit chemin, sur la voie menant à Allah. Le diable, il a informé de sa volonté de ne laisser personne parmi ceux qui cherchent à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala sans s'accrocher à lui jusqu'à l'égarer. Et ce en raison de sa grande animosité contre les enfants d'Adam. Il a donc informé de cela, puis il a insisté en disant « ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ » Puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Donc le diable, il s'est engagé à essayer d'égarer les enfants d'Adam. Et de la même manière, ses suiveurs, les diables parmi les djinns et les hommes, font des efforts pour égarer les enfants d'Adam, à l'exemple des gens de l'égarement et de l'innovation, les auteurs de livres regroupant toutes sortes d'ambiguïtés et d'égarements, les partisans des idéologies déviantes. Ils font en réalité le travail du diable afin d'égarer les gens. Donc si tu sais que sur cette voie, la voie du tawhid qui est la seule voie menant à Allah, tu vas trouver tous ces obstacles, tous ces diables qui cherchent à t'en écarter par toutes sortes de ruses, de tromperies et ainsi de suite. Alors tu dois avoir la certitude que tu ne dois pas te sentir à l'abri. Tu ne dois pas être insouciant également. Combien sont ceux aujourd'hui à être insouciants de cela? Pense que sous prétexte qu'aujourd'hui ils sont musulmans, ils vont rester sur cette religion jusqu'à leur dernier souffle. Wallahi, personne ne sait comment il va mourir. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous la meilleure des fins. Mais tu dois avoir conscience que les ennemis de cette religion, les diables parmi les djinns et les hommes, ce n'est pas ton sang forcément qu'ils cherchent à faire couler, mais ils cherchent plutôt à te retirer ta religion. Et combien sont ceux à avoir péri sur cette voie en se pensant à l'abri, sans se munir de ce qui leur permet de faire face aux ruses de leurs ennemis. Tout ceci nous montre une fois de plus l'importance de l'apprentissage de la science religieuse. Après cela, après nous avoir mentionné la présence de ces ennemis et leur animosité et leurs désirs et leurs efforts qu'ils font pour égarer les hommes, le Shaykh rahimahullah ta'ala nous rassure et nous dit « Walakin, idha aqbalta ala Allah, toutefois, si tu t'en remets à Allah, si tu te diriges vers Allah, que ton cœur a pleine confiance en ton Seigneur, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait de toi que tu t'en remets à lui, que tu lui manifestes ton indigence, et que tu as besoin de son aide pour rester ferme sur ce chemin. Wa asrayta ila hujajillahi wa bayyinatihi, et que tu tends l'oreille aux arguments d'Allah et à ses preuves évidentes, c'est-à-dire celles qui sont mentionnées dans le Coran et dans la Sunna. Fala takhaf wa la tahzan. Alors n'aie pas peur et ne t'attriste pas. N'aie pas peur et ne t'attriste pas. Si tu t'en remets à Allah et que tu tends l'oreille aux arguments d'Allah, alors n'aie pas peur et ne t'attriste pas. N'aie pas peur des ennemis de cette religion qui tente de t'obstruer le chemin menant à Allah. Car tu as ce qui te permet de te protéger de leurs ruses. Et la peur, elle n'est que pour celui qui leur fait face alors qu'il est désarmé, c'est-à-dire qu'il est sans science. Il n'a aucune connaissance pour faire face à ses ennemis. Il ne sait pas comment leur répondre. À la moindre ambiguïté, il tombe à terre et se fait dominer par son ennemi. Si telle est la situation de la personne, il n'y a pas de doute qu'il doit être effrayé. Mais celui qui s'en remet à Allah et qui tend l'oreille, qui apprend les arguments d'Allah, qui apprend la science religieuse, la science profitable, alors celui-ci, il n'a aucune crainte à avoir et ne doit pas s'attrister. Le Shaykh rahimahullah ta'ala nous dit « Inna kayda shaytani kana dha'ifa » Certes, la ruse du diable est faible. Sa ruse, elle est faible, même s'il a beaucoup de suiveurs. Même si, sur 1000 personnes, Il en a avec lui 999. Le grand nombre de ses suiveurs n'indique pas la force de sa ruse et de ses arguments. Non, sa ruse, elle est faible. Lui, il est faible. Mais pourquoi les gens lui obéissent et le suivent et tombent dans ses filets? Car c'est eux-mêmes qui se livrent au diable. C'est eux qui lui donnent autorité sur leur personne. Mais s'il ne leur donnait pas autorité sur leur personne, alors le diable n'aurait aucun pouvoir sur eux. Mais ceux qui désobéissent à Allah et qui suivent autre que le droit chemin, s'ils n'avaient pas suivi les pas du diable, le diable n'aurait eu aucune autorité sur eux. Mais c'est eux qui se sont livrés à lui, qui se sont laissés enchaîner, pourquoi? En raison du fait qu'ils ont désiré suivre leurs passions et leurs désirs, auxquels le diable les a appelés. Et ils ont favorisé ce bas monde à l'au-delà. Ils ont oublié, ou ont été insouciants, que ce bas monde a une fin. Et ils ont fait de ce bas monde une finalité. Donc ils ont suivi les pas du diable. Et à partir de là, il a pris le dessus sur eux et autorité sur eux. C'est pour cela qu'il a une influence sur eux. Mais ceux qui ne suivent pas ses pas, ceux qui favorisent toujours et font prévaloir l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus des désirs de leurs âmes incitatrices au mal, cela, le diable n'a aucune emprise sur eux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre, « Innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun » Il n'a aucun pouvoir, il n'a aucune autorité, aucune emprise sur ceux qui ont la foi et placent leur confiance en leur Seigneur. Innama sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu. Il n'a d'autorité, il n'a d'emprise que sur ceux qui le prennent pour allié. C'est sur cela qu'il a de l'emprise, sur ceux qui le prennent pour allié. Donc celui qui prend pour allié le diable, qui suit ses pas, qui fait prévaloir les désirs de son âme au-dessus de l'obéissance à Allah, c'est lui-même qui a livré sa propre personne au shaytan. Il lui obéit tout d'abord dans une chose, il suit l'un de ses pas, puis un autre, et le diable attend qu'il le suive jusqu'au bout du chemin, jusqu'à le mener à sa perdition et à la mécréance ou au polythéisme. C'est cela son objectif. Et tu dois avoir conscience de cela. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala, en résumé ici, il nous dit que malgré toutes ces ruses, malgré tous ces arguments et ainsi de suite, même si les gens du faux, parmi les alliés du diable, ont une certaine éloquence, une facilité à présenter leurs arguments et ainsi de suite, toujours est-il qu'ils ne sont pas sur la vérité. Et toi, tu es sur la vérité tant que tu t'attaches au Coran et à la Sunnah. Et si tu es fermement attaché et cramponné au texte du Coran et de la Sunna, que tu les comprends, que tu les mets en pratique, alors tu peux être apaisé. Ils ne pourront en rien te nuire. Mais pour cela, il faut que tu fasses des efforts pour apprendre ta religion et revenir au livre d'Allah et à la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis le Cheikh rahimahullah ta'ala, pour nous montrer que la ruse du diable est faible et que la ruse et les arguments des gens du faux sont des ruses et des arguments faibles. Il nous dit وَالْعَمِّ مِنَ الْمُوَحِّدِينَ يَغْلِبُ الْأَلْفِ مِنْ عُلَمَائِهَا هُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ. Et le عَمِّ parmi les مُوَحِّدِينَ, c'est-à-dire le commun des gens parmi les monothéistes, celui qui n'a pas de science, mais qui connaît sa religion et qui a connu les preuves de sa religion, même si ce n'est pas un savant. Il reconnaît le tawhid selon ses différentes catégories. Celui-ci, il a le dessus sur 1000 parmi les savants de ces polythéistes. Et même des milliers. Car leurs arguments aux polythéistes, ce sont des arguments basés sur la fausseté. Et le commun des musulmans parmi les monothéistes, il a gardé sa raison saine. Il est encore sur la saine nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Il n'est donc pas empli de doutes, de choses insensées, comme ont pu l'être ceux qui ont été touchés par les sciences philosophiques ou les sciences de la rhétorique, et ainsi de suite. Alors que le savant parmi les polythéistes, il n'est plus sur la saine nature, et il n'a pas de science authentique. Donc il ne fait aucun doute que le savant polythéiste, il sera dominé par le commun des monothéistes. Alors que dire s'il se retrouve devant un savant qui a la science authentique et une raison saine. Donc tout cela encore, cela nous montre l'importance et la nécessité d'apprendre notre religion et d'apprendre la science profitable qui sera pour nous une arme face à nos ennemis. C'est ça la véritable arme du croyant pour faire face aux ennemis d'Allah et aux ennemis de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est la science religieuse. Ensuite, le shaykh, rahimahullah ta'ala, il nous dit, kama qala ta'ala, comme Allah a dit. Donc vous voyez, à chaque fois qu'il mentionne une question, il dit comme Allah a dit. Il nous éduque au suivi des preuves, et non pas au suivi des paroles des hommes. Il nous dit que le commun des musulmans, le commun des monothéistes, il a le dessus sur 1000 parmi les savants des polythéistes. Il mentionne une preuve de cela. Comme Allah a dit, wa inna jundana lahumul ghalibun. Et nos soldats auront le dessus. Nos soldats auront le dessus. Qui sont les soldats d'Allah? Les soldats d'Allah, comme le dit le shaykh Muhammad ibn Abd al-Aziz Mani', rahimahullah ta'ala, ce sont ceux qui ont accompli ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a commandé, qui ont mis en pratique ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé comme science profitable et comme œuvre pieuse, et qui ont prêté oreille aux arguments d'Allah et à ses preuves explicites, et qui se sont dirigés vers l'apprentissage de cela avec une volonté véridique et une intention sincère, puis ils ont appelé les gens à cela. Cela sont les soldats d'Allah. Et ceux-là auront le dessus. Le shaykh rahimahullah ta'ala nous dit, فَجُنْدُ اللَّهُ هُمُ بِالْحُجَّةِ وَالْلِسَانِ كَمَا أَنَّهُمُ الْغَالِبُونَ بِالسَّيْفِ وَالسِّنَانِ. Il nous dit, les soldats d'Allah, ils ont le dessus par la langue et par les arguments, de la même manière qu'ils ont le dessus par la main et l'épée. Et certains pourraient dire et rétorquer, oui mais regardez à notre époque, comment les gens du fond ont le dessus sur les gens de l'islam dans de nombreux endroits à travers le monde. Regardez la faiblesse des musulmans aujourd'hui et ainsi de suite. Et la réponse à cette objection, elle est très simple. Ceci est en raison du délaissement de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. À partir du moment où on s'éloigne de la religion d'Allah et du suivi de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous sommes comme des soldats sans armes, des soldats désarmés. Ni science pour faire face aux ambiguïtés, ni piété pour faire face aux désirs et aux tentations interdites. Donc la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est préservée. Et les soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala ont toujours le dessus. Et Allah subhanahu wa ta'ala préserve sa religion par ceux qui la mettent en pratique réellement. In tansurullah yansurkum. Si vous secourez Allah, si vous secourez la religion d'Allah, que vous mettez en pratique la religion d'Allah comme il se doit, Allah vous secourra, il vous fera triompher. Donc tu dois avoir conscience de cela. Et de la même manière, tu dois savoir que le fait que les gens du faux aient parfois le dessus sur les gens de la vérité, ceci n'est seulement qu'à titre d'épreuve et comme on a dit afin de distinguer le véridique du menteur. Cela fait le tri et cela élève les gens de la vérité qui restent fermes sur celle-ci et cela trompe les gens du faux qui plongent encore plus loin dans leur égarement. Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala nous dit وَإِنَّمَا الْخَوْفِ عَلَى الْمُوَحِّدِ الَّذِي يَسْلُكُ الطَّرِيقَ وَلَيْسَ مَعَهُ سِلَاحٌ. Et la peur, elle n'est que pour le muwahhid, que pour le monothéiste, qui emprunte la route, qui emprunte cette voie, qui emprunte ce chemin, alors qu'il n'est pas armé. Il n'a pas de science pour se défendre et pour défendre sa religion. Il n'a aucun argument. Il n'a pas appris les preuves de sa religion. Il ne connaît pas les règles de sa religion. Il ne sait pas comment répondre aux ambiguïtés et aux arguments des gens du faux. Celui-ci, on a peur pour lui, car il n'est pas armé. Et il se peut qu'il devienne ainsi un captif entre les mains du diable et de son armée, et que le diable le pousse même à délaisser le suivi de la voie droite et de la religion, wal'iyadu billah, en raison de l'absence de science. Et combien sont ceux qui se sont égarés en raison de leur ignorance. Et ici, j'en profite pour attirer l'attention de mes frères et sœurs qui pourraient parfois être tentés à aller débattre avec les gens du faux sur les réseaux sociaux et qui bien souvent vont débattre alors qu'ils ne sont pas armés, c'est-à-dire ils ne sont pas armés de science, ils n'ont pas les arguments nécessaires pour réfuter les faussetés des gens du faux. Et ceci est un grand danger, c'est un danger pour ta personne, car celui avec qui tu cherches à débattre, il se peut qu'il te présente des ambiguïtés et que tu sois trompé par celle-ci en raison de ton ignorance. Et c'est un danger pour les gens également, qui te voient parler au nom de la salafia, au nom de l'islam, puis qui te voient ensuite démunis face à un égaré, un polythéiste ou un innovateur. Il voit que tu n'as pas de répondant, que tu n'arrives pas à réfuter ses ambiguïtés. Donc ils vont remettre peut-être en question la voie à laquelle tu t'affilies. Donc cessez ces débats, barakallahu fikum. Nul n'irait sur un champ de bataille sans être armé. De la même manière, tu ne dois pas t'aventurer aux prêches et encore moins aux débats et aux polémiques alors que tu n'es pas armé de science. Et ça, c'est d'une grande importance. De comprendre que il est obligatoire de faire des efforts dans l'apprentissage de la science avant de se lancer dans le prêche et autres choses semblables. Wallahu al-musta'an. Donc le cheikh rahimahullah ta'ala nous explique bien que il est nécessaire pour nous d'apprendre la science afin de faire face à nos ennemis, et plus particulièrement aux adeptes du polythéisme qui s'opposent au tawhid, car c'est le sujet principal des ambiguïtés qu'il va réfuter dans ce livre. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala va nous dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait grâce de son livre, qui est un exposé de toutes choses, et que les gens du faux peuvent exposer les arguments qu'ils veulent. On trouvera dans le Coran ce qui viendra annuler et réfuter leurs arguments, comme le cheikh rahimahullah ta'ala va nous le démontrer, avant de commencer à réfuter de manière générale, d'un argument général, les ambiguïtés des adeptes du polythéisme, puis ensuite à mentionner les différentes shubuhat, les différentes ambiguïtés avancées par ces gens pour justifier le polythéisme qu'ils commettent. Et le cheikh rahimahullah ta'ala va nous démontrer la fausseté de ces shubuhat. Il va les dissiper et les annuler avec les arguments mentionnés et tirés des textes du Coran et de la Sunnah. Et on verra cela, inshallah ta'ala, dès notre prochain cours. Bi'inillahi ta'ala. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayran.